Your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. In our Chicago.

essentiel. C'est aussi ça. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Passé de quelques minutes de 30, voilà donc eh bien le retour avec, comme tous les dimanches, l'accordéon. Voilà donc aussi, j'espère pour vous que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, et bien ainsi que vous allez continuer toute l'après-midi avec, bien sûr, la musique et bien sûr aussi l'accordéon. Avec, bien sûr, le soleil qui vous accompagne avec vous, tout simplement, et la musique toute la nuit. Voilà donc, on va bien sûr bien continuer la musique. Et voici l'accordéon et voici tout simplement Aimable qui nous amène du côté avec le soleil, du côté de Marseille, avec qui suivra avec tout simplement et bien la valse. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. simplement labouré, puis juste après, du côté avec le Savoyard. Promener à Saint-Sulpice, le braque des Bonacombes, c'était bien de la malice. Le braque des Bonacombes autour d'une vieille bâtisse. Le braque des Bonacombes, il y avait toujours des complices. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Il se promène dans la nuit, trois chevreuils sous le bras. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Rabouille Virichon, on l'attrape comme ça. Le braque du Bonacombe, voici Robin des Bois. Le braque du Bonacombe, on va manger comme des rois. Le braque du Bonacombe, des girolles et des noix. Le braque du Bonacombe, il était hors la loi. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est la fête de la Savoyarde, mon Mélian remplit ses paniers de mondeuses et de gens qui musardent dans les rues à l'ombre du rocher. Son profil de partout nous enchante, les vallées se retrouvent à ses pieds. Elle surveille de façon innocente dans les vignes les grappes ensoleillées. Et l'on y danse et l'on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et l'on y danse et l'on y chante, c'est la fête campagnarde. À la tuile, les beaux jurent assemblés apprécient l'ombre de son chapeau. La douceur de son lac en été rafraîchit en marchant les badauds. Citadelle au-dessus des vallées, le vieux fort garde la Savoyarde. Ribambelle de bandes endiablées, nous chantons quand elle nous regarde. Et on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et on y danse, et on y chante, c'est la fête campagnarde. Apremont, habit mouchinien, tous ses vins apprécient ta sagesse. La mondeuse sur les pentes d'Arbin, à tes pieds, langoureuse paresse. Et quand vient le temps des vendanges, c'est la fête dans les sardots. Ce ne sont que chants et louanges, la montagne a remis son chapeau. Et l'on y danse et on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et l'on y danse et on y chante, c'est la fête campagnarde.

drapeau, frappé d'une croix, c'est la Savoie. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Adieu ruisseau, adieu gentiane, mais je n'oublierai pas ma terre, ses verts coteaux, ses blancs hivers. Je suis chez moi là où l'on m'aime, ailleurs je reste un étranger. Je garde mes amis d'Auvergne dans le ciel bleu de mes pensées. Chanter les vielles, je n'oublierai jamais les pastorelles, les refrains de nos bourgs. Chanter les vielles, je n'oublierai jamais ce beau pays qui nous a fait danser. Adieu l'Auvergne, adieu montagne, adieu ruisseau, adieu gentiane. Mais je n'oublierai pas ma terre, ses verts coteaux, ses blancs hivers. Je suis chez moi là où l'on m'aime, ailleurs je reste un étranger. Je garde mes amis d'Auvergne dans le ciel bleu de mes pensées. Chanter les vielles, je n'oublierai jamais les pastorelles, les refrains de nos bourgs. Et chanter les vielles, je n'oublierai jamais ce beau pays qui nous a fait danser. Deux morceaux d'accordéon, disco et puis latino, mais voici après la marche. Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Docile, un vrai clin d'œil au passé. L'as-tu bien vu le moulin de Fontvieille, le maître que Dodéhi a laissé. L'ombre du ciel, le sourire d'une belle, voilà les trésors que tu peux garder. La tarandole qui nous affole au son des fifres et des tambourins. C'est une ronde qui nous inonde pour passer ce ciel du lendemain. Aujourd'hui, c'est le baladé des...

Voici donc un autre titre, s'appelle tout simplement La Balade. Rigolade, la javanette, c'est formidable.

n'a jamais cessé de danser sur ces mélodies instrumentales. Quel orchestre joue dans la soirée. Sur ces rythmes, il n'a pas de rival. C'est sa façon de se distinguer. Toutes les midinettes, il les emballe. Sans danser, il n'a qu'à baïonner. C'est un danseur de baillon. Il a la classe sur un air d'accordéon. Il se délasse. Il se dépense tout en cadencé. Sa balance, c'est lui le roi de la Gambie pour toutes les filles. C'est un danseur de baillon qui ne fait pas semblant. On a vraiment le frisson en le regardant. Sauf que qu'à lui, c'est pas la valse ni le cirque. Et nos pioches. Grimpons au sommet du Mont Blanc. Ensemble, agrippés à la roche. Bientôt, nous serons les gagnants. Après le tambour pour lancer la mécanique.

Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc ma jeunesse avec Samba Disco et puis juste après du côté de Paris. Petit monte à Paris, et puis dans quelques temps, si le cœur t'en dit, viens fièrement tes quatre sous en poche, tout comme un grand, tu reviendras au pays. Et petit monte à Paris, le travail c'est ton lot. Va petit monte à Paris, une fois là-bas, avec un peu de chance, tu le verras, la vie te sourira. Ouvre l'œil, va de l'avant, oui petit monte à Paris. Et puis dans quelques temps, si le cœur t'en dit, viens fièrement tes quatre sous en poche, tout comme un grand, tu reviendras au pays. Thank you. petit monte à Paris, a suivi son chemin. Et depuis, dans tout Paris, on dit qu'il y a autour de 600 000 filles et gars du pays auvergnat. Et tandis qu'à leur tour, leurs cousins montent à Paris, ils s'apprêtent au retour dans leur pays. Ce qui n'empêche pas, leur cœur avec tendresse toujours battra au sourire de Paris. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.